Tout d'abord, bien évidemment, vous savez que je ne partage pas la politique nationale qui est aujourd'hui menée. Et que, sur toute une série d'aspects, je suis en désaccord fondamental. Maire de la ville de Lyon, par exemple, je me suis élevé contre des dotations qui nous semblaient en réduction, et qui étaient en réduction, par rapport à ce que nous avions eu dans le passé. Président de la communauté urbaine, je suis exactement dans le même cas. À partir de là, j'ai deux solutions. Soit je dis, puisque je n'ai pas les moyens que je crois être nécessaires pour exercer mes fonctions de maire, de président de la communauté urbaine, je démissionne de toutes ces fonctions et je laisse gérer par la préfecture, le préfet, en attendant d'autres élections. Soit j'essaie de faire avec la situation telle qu'elle. Et j'ai pris mes responsabilités. J'ai par exemple, pour le conseil municipal de Lyon, augmenté les impôts de 6%. Je l'ai fait à mon âme et conscience. Ce n'était pas ce que je pensais de mieux dans l'absolu. C'est compte tenu de la situation qui n'est la nôtre. Et moi, je n'ai pas voté, c'est peut-être un scoop, mais pour l'actuel président de la République et pour son gouvernement. Donc à partir de là, je me suis dégagé sur les grands choix nationaux. Ceci étant, il y a deux choses que je voudrais dire. Que moi, je ne dis jamais, c'est le tout ou rien, et j'essaie de nuancer mes propos. Premièrement, si je suis en désaccord avec la politique qui est menée aujourd'hui, par exemple avec la loi Bachelot, un des premiers articles, c'est de faire en sorte que les maires des grandes villes ne soient plus directement présidents de leurs hospices civils. On trouve que ça, ce n'est pas très très bien, parce qu'évidemment la santé d'une population, c'est au moins aussi important que de construire des logements. Et que le fait qu'on n'ait plus la possibilité éventuellement d'intervenir dans ce champ, ça ne nous semble pas une bonne chose. Et donc, pour, je ne sais pas si vous rassurez, mais je voterai donc contre la loi Bachelot. Ceci étant après, il y a deux choses. Premièrement, le fait que j'agis donc dans un cadre donné et que nous avons obtenu pour les hospices civils de Lyon 20 millions d'euros supplémentaires de la part de Mme Bachelot, dans le cadre de la politique qu'elle mène. Je veux dire que ce matin, par exemple, j'avais un autre problème avec la communauté urbaine. Dans le cadre des budgets qui sont les leurs, vous savez, c'est un problème totalement différent, mais qui ne fait pas rire le maire, que la gendarmerie devait déménager à Saint-Onécamp. Nous, on a préparé depuis 4 ou 5 ans l'ensemble des réseaux d'assainissement, fait les voiries, ça a coûté à la communauté urbaine quelques dizaines de millions, et tout d'un coup, on nous a annoncé 4 jours avant la signature avec l'entreprise qui devait construire ses logements, ils n'étaient plus construits. Donc là aussi, ça fait un tout petit choc. Et donc, des situations comme ça, j'en vis quelques-unes tous les jours. Je ne veux pas dire que je sois extrêmement heureux, mais je suis à un moment donné obligé de faire avec. Donc, nous avons obtenu 20 millions d'euros supplémentaires. Après, je dis, dans les hospices civils de Lyon, si on balaye devant la porte des autres, il faut aussi balayer devant la sienne. Est-ce qu'on est au top? Je ne parle pas de vous, hein. Je parle de nous collectivement, hein. De l'organisation des hospices civils de Lyon. Vraisemblablement, non. Est-ce qu'il y a un certain nombre de services qui aujourd'hui font doublon? Est-ce qu'on ne pourrait pas, en essayant de regrouper ces services, faire un certain nombre d'économies et faire en sorte que... C'est le plan Bachelot que vous êtes en train de vous décrire. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes contre le projet Bachelot et vous êtes en train de nous dire qu'il faut l'appliquer à Lyon. C'est inadmissible. Non. C'est le plan Bachelot que vous êtes en train de nous décrire. Non. Mais si, monsieur Collant. Je vais vous dire, quand il y a... Soyez franc, dites pour qui, pour ce que vous êtes. Vous voulez l'application du premier Bachelot? Dites-le au personnel. Arrêtez de vous raconter des histoires. L'organisation des services dont vous parlez, en gros, il faudrait comprendre que depuis 15 ans, aux hospices civils de Lyon, il y a des cadres supérieurs, qui ne savent pas ce que c'est que l'organisation. Ça fait 15 ans qu'on organise, réorganise, réorganise les services, et vous nous dites qu'aujourd'hui, c'est toujours pas bien organisé. Alors, après, on peut entendre tout ce qu'on veut, mais faut... Vous savez, monsieur, il y a 15 ans, comme vous dites, moi, j'étais contre le fait qu'on fasse un hôpital ouest à l'hôpital de la Croix-Rousse. Parce que je disais, ça va coûter beaucoup plus cher. Et on en aurait fait un autre neuf. À l'époque, c'était à Metz, ça me concernait un peu. À mon avis, ça aurait permis de rationaliser, c'est de ça que je parle, les services, de permettre qu'il y ait davantage de personnel auprès de chaque patient et donc qu'on ne disperse pas les moyens. C'est de cela que je veux vous parler. Et c'est de cela qu'il faut que nous traitions. On ne peut pas simplement dire, nous, on maintient le statu quo, faut qu'on regarde s'il y a des possibilités. Et quand je vous dis de rationalisation, c'est dans ces termes qu'il faut que nous pensions. Est-ce que, par exemple, dans les prochains... Est-ce que... C'est faire en sorte que le projet d'Édouard Herriot d'hôpital nouveau, qui lui aussi permettrait de rationaliser un peu en ayant un bloc moderne plutôt qu'en ayant le pavillonnaire que nous connaissons aujourd'hui, eh bien, puisse voir le jour. Et à mon avis, ça, c'est le vrai sujet de mobilisation. Le coût, c'est de combien? C'est de 500 millions d'euros. C'est là-dessus qu'il faut effectivement se mobiliser. Et moi, c'est un des principaux problèmes que j'ai traité avec le ministre de la Santé en lui disant, si demain on ne construit pas un hôpital moderne sur Édouard Herriot, compte tenu du développement proche des cliniques privées, l'hospitalisation publique à Lyon ne sera plus qu'un palliatif à l'hospitalisation privée. Voilà ce que nous défendons, je crois, ensemble. Après, je donne la parole à qui le veut, d'abord Mme Néhé, et ensuite vous. Oui, alors j'ai bien entendu vos propos. Cela m'a fait référence à certaines choses, c'est-à-dire nous, les administrateurs, nous avons tous un rôle important et nous représentons tous des personnes, souvent des personnes qui nous ont élus. Je parle de vous, évidemment, de tous les politiques qui représentent les citoyens. Je parle des médecins qui représentent le corps médical qui les a élus. Je parle bien sûr des représentants du personnel qui les ont élus. Et je pense, je peux vous dire, depuis le temps que je siège ici, j'ai toujours été très frappée, j'en avais fait part d'ailleurs à un ancien directeur général, du fait qu'il y avait une pensée unique absolument exceptionnelle. Et que, pourtant, on sait très bien que dans nos sociétés humaines, nous avons souvent différentes solutions possibles de résoudre les problèmes. Et j'ai toujours été très frappée par le fait qu'on était dans la pensée unique de la reconcentration, qui marcherait mieux, qu'ici, qui là. Moi, je vois une chose. On a fermé l'hôpital de Brousse, qui était plutôt, à mon sens, un hôpital avec un seuil tout à fait pertinent de personnel, de médecins et de malades, qui permet de s'approprier le soin, donner un sens, c'est-à-dire petit, c'est-à-dire travailler en réseau. Hein, pourtant, on en parle beaucoup des réseaux actuellement. On était pourtant dans des locaux vétustes, mais je peux vous dire qu'on était motivés, responsables. Ce que je pense, on ne retrouve plus dans nos grandes structures qui représentent, je ne sais pas moi, des monstres. On le voit, c'est des études qui ont été faites. Est-ce qu'on continue encore comme ça à concentrer sous prétexte qu'il y a une gestion, il y a toujours une gestion? Alors évidemment, hein, quand je dis ça, je ne dis pas qu'il faut mettre l'argent des gens qui payent la sécurité sociale, et Dieu sait si on sait ce que c'est, par les fenêtres. Mais faut-il réfléchir un petit peu mieux et peut-être différemment, hein, parce qu'on voit qu'actuellement, nos sociétés sont en train de changer quand même. Et moi, j'entendais encore récemment, samedi, une enquête a été faite dans une agglomération du nord de la France, très touchée par le chômage, comme vous le savez, depuis des décennies. Hein, et qu'est-ce que les gens ont dit? On a besoin de quoi? On a besoin d'un médecin à côté de nous. On a besoin d'un hôpital à côté de nous. On n'a pas besoin d'acheter des multitudes de choses où on se rend très bien compte qu'actuellement, même les gens qui ont des moyens considérables, on les voit pas plus satisfaits que les autres. Hein. Ils sont aussi pris, voire plus. Donc peut-être... Vous posez un autre problème. Mais non, je pose la question de la société, du choix. Du choix de que l'on fait. On parle pas de la société. Peut-être que si on avait un discours philosophique, on se retrouverait sur un certain nombre de points. Aujourd'hui, on vote le PRD. C'est un peu différent. Mais si, sur le reste, si vous me dites que vous n'êtes pas d'accord avec la politique qui est menée, je peux vous dire que moi aussi. Et bon, et après. Oui, enfin, excusez-moi, mais la politique. Vous avez la garde d'exprimer ça. Hein, vous la gardez d'exprimer. La politique de la santé, elle est menée quand même depuis des décennies de la même manière. Excusez-moi, tout le monde le dit, que ce soit de droite, de gauche, c'est toujours la même. C'est des politiques de reconcentration qui mènent à des suppressions de postes. Et je pense que c'est pas le moment de supprimer des postes pour deux raisons. Nous faisons des tas d'heures sup. Nous travaillons énormément. Il y a plein de gens au chômage qui aimeraient bien nous aider. Je pense que ici, dans cette salle, il y a un certain nombre de représentants du gouvernement. Je vois qu'il y a un directeur de la RH qui est directement représentant du gouvernement. Je me demande à quoi sert un nouveau directeur adjoint. Donc je suppose que c'est pour y mener la politique de M. Sarkozy. Donc ces personnes-là pourraient peut-être nous répondre des choix qui sont faits par ce gouvernement. Parce qu'on nous dit que l'hôpital est en déficit. Mais pourquoi il est en déficit? Parce que le gouvernement ne donne pas l'argent dont on a besoin pour fonctionner. Or, c'est une volonté politique, effectivement, de ne pas nous donner cet argent. Donc aujourd'hui, je crois que la meilleure des choses, ça serait de voter contre ces nouvelles restrictions budgétaires, ces suppressions de postes, et demander au gouvernement de prendre ses responsabilités. Et plutôt que de donner des milliards aux responsables, aux banquiers et aux dirigeants des entreprises qui les reversent aux actionnaires, que cet argent qui est de l'argent public soit rendu au service public. Et c'est que comme ça qu'on pourra sortir l'hôpital de la situation dans laquelle il se trouve. Et c'est vraiment un problème politique. Et je crois que c'est ça qu'il faut qu'on dénonce, cette politique-là. Donc, monsieur le directeur de la RH, qui vous êtes le directeur, le représentant de ce gouvernement, dites-nous ce que le gouvernement a l'intention de faire. Alors, on le sait déjà. Mais au moins, on saura que notre ennemi, c'est vraiment ce gouvernement actuel. Monsieur le directeur, je suis aussi un fonctionnaire. Hein. C'est quand même le représentant du ministère et c'est lui qui décidera les prochains budgets. Vous avez déjà apporté la réponse, donc c'est facile. Je voudrais simplement rappeler que les fonds qui sont alloués aux établissements de santé, ce sont les fonds de l'assurance maladie. Nos cotisations. Absolument. Donc c'est votre argent. Ce sont nos hôpitaux. Je suis bien d'accord avec vous, à ceci près néanmoins que le taux de progression des moyens alloués aux établissements tel qu'il a été fixé par le Parlement à la fin de l'année dernière est en progression d'un peu plus de 3%, ce qui est supérieur à bien d'autres valeurs, notamment la progression de la richesse nationale. Et que donner plus d'argent à notre système de santé, c'est aussi solliciter davantage ceux qui le financent, c'est-à-dire nous, vous comme moi, comme tous ceux qui sont autour de cette table. Je crois que c'est effectivement, vous avez raison de le dire, c'est un choix politique qu'il appartient au Parlement de faire, mais c'est dans ce cadre-là que l'allocation de ressources des établissements est menée dans cette région comme dans les autres. Le fonctionnaire que vous êtes, moi je le comprends, monsieur, ce que vous venez de dire. Par contre, monsieur Collomb, oui. C'est un élu socialiste à Lyon. Oui. Moi je ne comprends plus là. Parce que vous nous parlez d'Édouard Hanot, bien sûr qu'il faut faire Hanot, bien sûr qu'il faut avoir des bâtiments d'offres. Mais vous avez eu le résultat d'audit aussi entre 2001 et 2008. Qu'est-ce qu'il dit cet audit? Dans les services de soins, il n'y a pas eu d'augmentation de personnel. Or, entre temps, il y a eu la réduction de temps de travail. Ce qui veut dire que les gens travaillent plus pour gagner moins actuellement au niveau de nos établissements hospitaliers. Et vous savez très bien que le VRD 2009 qui nous est proposé dans les 200 situations d'emploi ETP, la majorité dans le document, c'est des emplois dans les services de soins. Et parallèlement, à côté de ça, monsieur le directeur général, monsieur Castel, ici présent, on se retrouve dans une situation aujourd'hui avec 1450 ETP de gens qui sont sous contrat à durée déterminée, des gens qui ont un emploi soumis à l'épée de Damoclès chaque jour sur leur tête, alors que nous avions dans les années précédentes apuré une situation au niveau des hospices civils de Lyon, puisqu'on était descendu en dessous de la barre des 300 emplois au niveau des contrats à durée déterminée. Donc c'est pas une globalité, c'est bien toute une politique qui est en train de se mettre, enfin qui continue à se développer, pour mettre à mal l'hôpital public. Là, ce que je ne comprends pas, monsieur Collomb, c'est que vous, aujourd'hui, vous dites il faut quand même y aller, il faut quand même continuer, on a récupéré 20 millions. Vous récupérez 20 millions aujourd'hui pour nous en faire perdre 40, 60, 70, 80, 100 les années précédentes. Il faut que vous ayez le courage politique, aujourd'hui, de dire ça suffit, moi je suis mandaté, je suis à la ville de Lyon pour faire tenir ce spécifique de Lyon. Je suis à la ville de Lyon en tant que président du conseil d'administration pour que ces personnels puissent travailler dans de bonnes conditions, mais surtout soigner ma population dans de bonnes conditions. Voilà.